vivant dans un monde où le mensonge est roi. Les dirigeants nous trompent et détournent les lois. Chômage, insécurité, ghetto, immigré. Dès le début de ta vie, tu combats pour la survie. Mensonge, la liberté. Mensonge, l'égalité. Mensonge, fraternité. Mensonge. La justice est partiale, elle te sera fatale. Ne compte pas sur les autres, ce sont de faux apôtres. Où est la solution qui mettra l'oppression? L'avenir est bouché, la jeunesse enragée. Mensonge, liberté. Mensonge, égalité. Mensonge, fraternité. Mensonge, aha. Mensonge, égalité.